Audiomatique. Les artistes allemands Thaddeus Ehrmann et Christian Kleine ont formé en 1997 le duo simplement nommé Hermann and Klein. De leur seul album intitulé « Our Noise », paru en 2002, nous entendions, pour amorcer cette transmission 1-2-1 d'Audiomatic, la pièce « Wonder ». Sans musique électronique, il n'y aurait pas de transmission d'Audiomatic. Et sans transmission d'Audiomatic, les électronistes n'existeraient pas. Alors laissons place à la musique, puisque c'est notre raison d'être, et sans elle, ce moment serait dénudé du sens qu'il acquiert à travers les sons électroniques. Le projet Biomigrant concluait cette courte séquence de deux pièces avec la composition Una Noche en Isla Rosario, réalisée pour la compilation Mare Insularum du collectif d'artistes Chica Chica. Et avant Biomigrant, c'était l'artiste grec Stéphane Torto et sa pièce Sirens of the Black Sea, qu'on retrouve sur son tout nouvel album Individual Connections, publié par l'étiquette numérique Cosmic Leaf. Les électronistes vous proposent, pour enchaîner en musique, un groupe marquant, influent, culte et surtout canadien, soit Skinny Poppy, Audiomatic.

Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le groupe originaire de Chicago, 13 Milligrams, et la chanson Hopper Cut de leur premier album Trust and Obey, lancé en 1995. Précédemment à 13 Milligrams, il s'agissait du duo allemand Pax, formé de André Schmechta, ou si vous préférez, Severin Neharb, de la formation X-Marks de Pedwalk, et de Aiko Daniel du projet Echo. Nous entendions la chanson Welcome to Your System du premier album de Pax intitulé The Power of Pure Intellect. Et en amorce, c'était nul autre que Skinny Poppy et la chanson Love in Vain, remixée ici sous le nom de Go Girl Trio Mix par l'artiste anglaise Riz Maslen, connu sous le pseudonyme Neotropic. Cette version est tirée de l'album Remix Distemper, tandis que la version originale de Love in Vain peut se trouver sur l'album Last Rites de Skinny Poppy. À Audiomatique, allons-y maintenant avec la formation Lords of Acid et la première pièce qu'elle a composée, soit I Sit on Acid, en 1988. Les électronistes vous présentent le Darling Mix. Nous venons d'entendre la pièce Adzent du projet torontois Bang Electronica, qui n'est par ailleurs plus actif aujourd'hui. La version que nous avons entendue de cette pièce se trouve sur une anthologie de Bang Electronica intitulée Aktivierung. Avant cela, nous entendions U-Tech, l'un des projets parallèles des membres du groupe X-Marks de Pedwalk, dont nous avons entendu un autre projet parallèle un peu plus tôt dans l'émission qui se nommait PAX. Quant à la pièce de U-Tech que nous avons écoutée, soit Phase 1, elle se trouve sur une anthologie de U-Tech qui se nomme Das Mas der Dengue. Soulignons que U-Tech a été actif entre 1989 et 1993. Et nous amorcions la séquence musicale avec Lords of Acid et le Darling Mix de leur pièce I Sit on Acid, paru en 1988. Un peu plus tôt dans l'émission, nous vous avons présenté une pièce du groupe Skinny Poppy. Et pour clore cette transmission 1-2-1 d'Audiomatic, nous vous offrirons à entendre le collectif Hilt, originaire de Vancouver, qui comptait dans ses rangs quelques membres de Skinny Poppy. Du premier album de Hilt, intitulé « Call the Ambulance Before I Hurt Myself », nous vous ferons jouer la pièce « Get Out of the Grave, Alan ». Une autre transmission qui s'achève et qui ira bientôt rejoindre le répertoire d'Audiomatic sur nos plateformes comme facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Malgré que la réalité virtuelle a comme avantage de ne jamais causer de conflit d'horaire lorsqu'on désire écouter une émission, les électronistes préfèrent de loin vous inviter à leur rendez-vous hebdomadaire en direct sur les ondes C'est fou 89.1 FM les mercredis à 17h. Voici donc le collectif Hilt et la pièce Get Out of the Grave, Alan. Appréciez et restez vivants. grave, Alan. Get out of the grave, Alan. Get out of the grave, Alan. Open your mind. Remove all doubt. But be on your guard. Let nothing take hold of you. Let nothing enter your body. From this time on, you must be silent. O great diviner, master of the three worlds, disciple who became master, lord of the netherworld, get out of the grave, Alan.